الطلاب يلعبون كرة القدم كل أسبوع. نعم، les étudiants jouent au football toutes les semaines. ثانيا، المدرس يكتب الدرس على سبورته. نعم، le professeur écrit le cours sur le tableau. ثالثا، أخواتي يغسلون الثياب. يغسلنا. نعم. الثياب. يغسلنا. يغسلنا الثياب بالصابون. نعم. Mes sœurs lavent les vêtements avec le savon. رابعا، أنا أقرأ القرآن كل صباح. Moi je lis le Coran tous les matins. خامسا، أتسمع الأخبار من إذاعة. من الإذاعة. لا لا، من الإذاعة. من الإذاعة كل يوم يا عبد الله. Écoutes-tu les informations de la radio tous les jours, ô Abdullah ? Sadisan. الطالبات يذهبون. يذهبنا. نعم. إلى المدرسة بحافلة. بحافلة. لا. بحافلة المدرسة. نعم. Les étudiantes vont à l'école avec le bus de l'école. Sabian. أتسمعوا الأذان في غرفتك يا علي؟ نعم. Entends-tu l'Aden depuis ta chambre, ô Ali? ثامنا. الطلاب يسألون المدرسة أسئلة كثيرة. نعم. Les étudiants posent beaucoup de questions au professeur. تاسعاً. النساء يأكلون. يأكلون. لا. يأكلن. نعم. يأكلن التفاح. Les femmes mangent la pomme. عاشرا. المديرة تخرج الآن من مكتبها. نعم. La directrice sort maintenant de son bureau. عادي عشر. أنا أدرس في كلية. دو. أنا أدرس في كلية الهندسة. Non, mais j'étudie dans la section d'ingénierie. Sani Achar. أختي تكتب الآن دروسها في الدفتر. Ma sœur écrit maintenant ses cours dans le cahier. تمام. طيب كيف تقول مع الفعل ذهب بالمضارع مع ضمير أنا؟ أذهب. نعم بالحمزة. كيف تقول مع ضمير أنت؟ تذهب. نعم. كيف تقول مع ضمير هو؟ يذهب. نعم. كيف تقول مع ضمير هم؟ يذهبون. يذهبون. يذهبون إن الفاعل. هم يذهبون إن الفاعل. ضمير مستتر. يذهبون ضمير مستتر. يذهبون. الواو جماعة. واو جماعة. كيف تقول مع ضمير هن؟ هن يذهبن. نعم. إن الفاعل ضمير مستتر. لا. الفاعل يذهبن. نون نسوة. نون نسوة. كيف تقول مع ضمير هي؟ تذهب. نعم بالتأكيد. ما هو مصدر؟ سي كو المصدر دو فعل خرج؟ خروج. دو فعل دخل؟ دخول. نعم. دي فعل نزل. نزول. دي فعل ركع. ركوع. نعم. على وزن كلها على وزن فعول. كيف بك؟ نعم. طيب الآن سندخل في درس الثاني عشر. La douzième leçon. Qui se rapporte au féminin. Singulier, je crois. كيف؟ Comment tu conjugues un verbe? Voyez. Avec anti. طيب فأكرمك حامد وأنت تكرمك أم حامد أحمد أفن. طيب وأيضا في البنات فيما بعد استكرم أيضا من البنات. أنا أقول ماذا تفعلين يا أم أحمد؟ Que fais-tu أو أم أحمد مرد أحمد؟ أبحث عن الدواء. الدواء الذي أخذته من المستشفى أمس. Dis, je cherche les médicaments que j'ai pris de l'hôpital hier. Akhada, c'est prendre. Akhaftou, c'est j'ai pris. Hamid Yaqul. Huwa ala al-maktabi fi ghurfati. Kifa haluki al-yawm? La'allaki al-yawma ahsan. Et dit, donc le médicament est sur mon bureau dans ma chambre. Comment vas-tu aujourd'hui? En espérant qu'aujourd'hui tu sois meilleur, dans un meilleur état. Na'am, ana al-yawma ahsan. Alhamdulillah. Dit oui, je suis meilleur, je suis mieux aujourd'hui. La louange à Allah. Hamid Yaqul. Mata tadhhabina ila al-mustashfa. Quand vas-tu à l'hôpital? Sa'adhhabu ba'da sa'atin insha'Allah. Donc je vais y aller dans après ou dans une heure insha'Allah. Hamid Yaqul. Ma'a man tadhhabina? Avec qui vas-tu? Y vas-tu? Sa'adhhabu ma'a Ahmada. Je vais y aller avec Ahmed. Hamid Yaqul. Et'alifina at-tabibata allati dhahabti ilayha ams? Connais-tu le médecin femme à laquelle tu étais hier, chez laquelle tu étais hier? Naam, a'rifuha. Ismuha ad-doktoura Su'ad. Yaquluna innaha ahsanu tabibatin fi al-mustashfa. Donc oui, je la connais. Elle s'appelle docteur Su'ad. Et ils disent qu'elle est la meilleure, qu'elle est le meilleur docteur femme dans l'hôpital. Hamid Yaqul, Mada taf'alouna ya abna'i? Que faites-vous, ô mes fils? Donc là, taf'alouna, c'est avec mukhatab jam, c'est antum. Naktubu al-wajibat. Ils disent, nous écrivons les devoirs. Hamid Yaqul, atafhamouna ad-durusa jayidan? Est-ce que vous comprenez très bien, vous comprenez bien les cours? Na'am, nafhamouha jayidan walhamdulillah. Il dit oui, nous les comprenons bien, nous les comprenons bien, et la langue est à Allah. Ay suratin tahfazuna al-an? Quelle sourate mémorisez-vous actuellement? Am ana fa ahfidu ahfad. Fa ahfadu suratul mulk. Wa amma ha'ula'i fa yahfaduna suratul qalam. Dit, moi, en ce qui me concerne, déjà comme ça, je mémorise surat al-mulk, la royauté. Et quant à cela, eux, ils mémorisent surat al-qalam, la plume. Maza tafalna antunna ya banati? Que faites-vous, ô mes filles? Nahnu al-an nal'abu. Maintenant, nous jouons. Hamid Yaqul. Afi waqti al-amal tal'abna? Mata takra'na al-durusa wa mata taktubna al-wajibat? Dans le temps de travail que vous jouez, quand lisez-vous vos cours et quand est-ce que vous écrivez vos devoirs? Nahnu qara'na ad-durus wa katabna al-wajibati walhamdulillah. Nous avons lu les cours et nous avons écrit les devoirs, la louange d'Allah. Ahsantunna ya banati. Hakaza taf'alu al-tilmizatu al-mujtahidatu. Mata tadhhabna li ziyarati khalatikunna? Donc il dit, très bien, c'est comme ça, très bien, ô mes filles. Est-ce que c'est comme ça que doivent faire les étudiantes studieuses? Tilmiz, mana talib, nasochei. Tilmizat, c'est comme talibat. Quand allez-vous visiter votre tante maternelle? Savez-vous qu'elle est malade? Naam, na'rifu dhalika, shafaha Allah. سَنَذْهَبُ لِزِيَارَتِهَا هَذَا الْمَسَاءِ إِنْشَاءَ اللَّهِ هَذَا الْمَسَاءَ إِنْشَاءَ اللَّهِ. Elle dit oui, nous savons cela, qu'Allah la guérisse. Nous allons la visiter cet après-midi, Inch'Allah. يَا أَحْمَدُ أَتَعْلِفُ مَتَا يَرْجِعُ أَجِيرَانُ مِنْ مَكَّةِ. Oh Ahmed, sais-tu quand est-ce que les voisins vont-ils revenir de Mecca? Jiran, jam, jar, le voisin. قَالَ لِي يُوسُفْ إِنَّمَا إِنَّنَا إِنَّنَا سَنَرْجِعُ فِي الْأُسْبُوعِ الْقَادِمِ أَظُنُّ أَنَّهُمْ سَيَرْجِعُونَ يَوْمَ السَّبْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. Donc Ahmed dit, Youssouf m'a dit, nous allons revenir la semaine prochaine. Donc je pense qu'ils vont revenir samedi, Inch'Allah. يوم السبت, c'est samedi. Non. Ah, donc, comme tu as pu voir, c'est pas seulement avec le féminin, c'est en fait c'est même avec le mukhatab jam moins 9 et aussi mutakallim jam nahnu et avec antunna et avec anti et avec antum aussi. Mais en fait, là, il va donner les autres demi-heures qui manquaient du dirs précédent. Tayyib. Donc le tamarin et l'awel. Il est, Sahih Mayali. Donc celui-là, Inch'Allah, tu vas le faire à la maison. Tu peux corriger ce qui suit. Et normalement, il sera pour le texte. Inch'Allah. Bon, maintenant, on va voir comment, Inch'Allah, ça se passe pour un verbe au à présent. Lorsque le sujet, c'est un. Ra'ib, moins 9, moufrad. Un interlocuteur féminin singulier. Donc, comment tu dis, Masalem, ma zahaba, toi tu dis, ana azhabu, je vais. Taïeb, anta tazhabu, tu vas. Et quand c'est pour une femme, tu dis, anti tazhabina. Taïeb, tazhabina. Tu rajoutes un ya et un nun. Et ce ya, taïeb, c'est l'ulfer, c'est un domir. C'est le fa'il. Il s'appelle Ya al-Mu'anath al-Mukhataba. Ya al-Mu'anath al-Mukhataba. Et c'est le fa'il. Donc il n'est pas moustatir, il est zohir, il est apparent. Donc c'est comme ça que ça se passe pour tous les fi'ils. On doit lire. Il commence par un ta, et à la fin tu rajoutes un ya et un nun avec une fatha. Tazhabina, taktubina, tafhalina. Et ainsi de suite. Donc maintenant il dit Anis al-Fa'il. Fikul min jumel atiya. Donc, féminise le sujet, rend le féminin dans toutes les phrases suivantes. Masalan jumel oula, la première phrase, il dit Et alifu al-lughat al-arabiya ya akhi. Il dit connais-tu la langue arabe, ô mon frère? Donc, au féminin, ça va être comment Et alifina al-lughat al-arabiyata ya ukhti. Donc, connais-tu la langue arabe, ô ma sœur? Donc, là, c'est quoi la différence? On parle à une femme. Donc, comme on a dit, le fi'l, à la fin, on lui met un ya et un nun avec une fatha. Talifina. Taïeb. La jumla thaniya. Il dit, Mada ta'kul ya Muhammadu. Que manges-tu au Muhammad? Donc, féminin. Mada ta'kulina ya Zainab. Naam. Thalifan. Aina tajlisu fil fosli ya Ahmadu. Où t'assois-tu dans la classe au Ahmed? Aina tajlisina fil fasli ya Amina. Naam. Rabi'an. Mata tazhabu il mustashfa ya Abi. Quand vas-tu à l'hôpital ou mon père? Mata tadhabina il al mustashfa ya Umi. Naam. Mada takul ya Akhi. Que dis-tu au mon frère? Mada takulina. Ma fille Hamza. Takulina. Mada takulina ya Ukhti. Naam. سادسا متى ترجع من المدرسة يا علي؟ Quand reviens-tu de l'école au Ali؟ متى ترجعين من المدرسة يا رقية؟ سابعا il est من تكتب هذه الرسالة يا بشير؟ Pour qui écris-tu cette lettre au Bachir؟ الى من تكتبين تكتبين هذه الرسالة يا بشرى. لا أنا. طيب. ثامنا أي سورة تحفظ الآن يا أخي؟ Quelle sourate mémorises-tu actuellement au mon frère؟ أي سورة تحفظين الآن يا أختي؟ نعم. تاسعا أتفهم الدرس جيدا يا حامد؟ Comprends-tu bien le cours au Hamid؟ أتفهمين الدرس جيدا يا عائشة؟ نعم. عاشرا متى تغسل هذا القميص يا ياسر؟ Quand laves-tu ce camis au ياسر؟ متى تغسلين تغسلين هذا القميص يا زينب؟ نعم. Donc comme on a dit, طيب pour le Moufrad, Moukhatab, Mouannef, on met un ya. Et un nun avec une fatha. Et ce ya, c'est lui le fa'il. C'est lui le fa'il. C'est un damir, muttasil, c'est lui le fa'il. Donc maintenant, on va prendre quoi? Toujours le Moukhatab, le Mouannef. Seulement maintenant, faites quoi le jam? Vous à des femmes. C'est-à-dire comment on s'exprime avec des femmes.